Redemptor Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Ici Radio Vatican. Rendez-vous avec l'Afrique. Bienvenue à l'écoute de cette émission que nous commencerons par la grande et joyeuse nouvelle de l'élection d'un nouveau pape. Il s'agit de François Ier. Ensuite, nous écouterons un ancien étudiant de Benoît XVI nous dire ce qu'était sa réaction en apprenant que celui-ci renonçait à sa charge de pontife romain. Avec le temps qui nous restera, nous aurons la partie magazine qui porte sur le cri d'alarme que lance la FAO à propos d'une crise alimentaire en République centrafricaine. Et puis nous verrons quelques nouvelles de l'actualité politique et sociale pour terminer. Radio Vatican, rendez-vous avec l'Afrique. C'est donc mercredi soir, au cinquième tour du scrutin, dont le premier avait eu lieu mardi soir, que le nouveau pape a été élu. Il s'agit du cardinal argentin Jorge Maria Bergoglio, archevêque de Buenos Aires, qui a choisi de s'appeler François. Le nouveau pape François Ier est né à Buenos Aires le 17 décembre 1936. Il a été ordonné prêtre le 13 décembre 1969, puis nommé et consacré évêque en 1992, promu archevêque coadjuteur de Buenos Aires le 13 juin 1997 et l'année suivante, il devenait archevêque de Buenos Aires. Il a été créé cardinal au consistoire de 2001. Le nouveau pape est âgé de 76 ans et c'est le premier pape de l'histoire du continent américain. Il est également le premier jésuite à devenir pape. Mercredi soir, aux environs de 19h locales, une immense clameur a retenti place Saint-Pierre lors de l'apparition de la fumée blanche de la cheminée de la chapelle Sixtine, signalant son élection, avec des cris de joie poussés par une foule immense qui brandissait des drapeaux de divers pays et scandait « Habemus Papam » et « Viva il Papa » pendant que les cloches de la basilique Saint-Pierre sonnaient à toute volée. Aussitôt, les gardes suisses et membres d'autres forces armées se sont déployés en fanfare devant la basilique sous le balcon central. Une foule grossissant à vue d'œil et constellée de parapluies a envahi la place, brandissant banderoles et drapeaux, puis les cloches des églises romaines ont aussi retenti, accompagnées de concerts de klaxons. Apparaissant au balcon central de la basilique Saint-Pierre pour se présenter au monde et donner sa première bénédiction, Urbi et Orbi, le pape s'est brièvement adressé aux fidèles, disant que les cardinaux étaient réunis pour choisir un nouvel évêque de Rome. « Il semble que les cardinaux sont allés me chercher au bout du monde », a-t-il déclaré, avant de demander de prier pour son prédécesseur Benoît XVI et d'inviter les fidèles à entreprendre un chemin de fraternité, d'amour et d'évangélisation. Ensuite, il a demandé à la foule une minute de silence. « Priez pour moi et donnez-moi votre bénédiction ». Et le pape a donné alors sa propre bénédiction, « Urbi et Orbi ». Après l'annonce par Benoît XVI, le 11 février dernier, de renoncer à sa charge, notre collègue Manuela a demandé à un des anciens étudiants en Allemagne du cardinal Ratzinger, Monsieur Barthélemy Adoukono, actuellement secrétaire du Conseil pontifical de la culture, quelle a été sa réaction en apprenant cette nouvelle inattendue. Ma réaction première, ça a été... Ça lui ressemble et tout de suite il est apparu très grand à mes yeux et encore plus grand qu'il n'était parce qu'il se retire, parce qu'il a une haute conscience de la mission qui lui est confiée et il pense qu'en se mettant en prière plus tôt pour que le Seigneur confie à quelqu'un qui a la force adéquate pour pouvoir s'occuper de son église, ce serait la meilleure chose. J'ai trouvé que c'est merveilleux, j'ai trouvé que c'est formidable. Et j'en suis ravi et je n'en démords pas, je reste là. Je n'arrive même pas à passer à la phase de regret qu'il ne soit plus là. Non, il est toujours là comme autorité, comme cette personne qui aide à faire grandir et à faire aller de l'avant l'église. Il n'est pas attaché au pouvoir. Mais ce faisant, il est plus que jamais autorité. Je vais vous poser une question pour moi personnellement, en tant que croyante. Ce geste, vous avez dit que vous saluez le courage, la grandeur de Benoît XVI, son humilité, etc. Mais le fait de se retirer, est-ce que ce n'est pas un peu changé la perception qu'on a de Saint-Pierre? Un pasteur donne sa vie pour ses brebis jusqu'au bout. Est-ce que vous pouvez comprendre que les catholiques soient complètement sous le choc et totalement dans l'incompréhension? Les catholiques ont raison d'être sous le choc, mais il faudrait qu'ils réalisent qu'on peut anticiper sa fin. On peut anticiper sa fin et la vivre de manière utile et peut-être plus utile encore pour l'Église. Donc, le ministère pétrinien a besoin d'une force humaine, d'une réalité humaine qui est toute sa performance, et il a conscience de ne plus pouvoir le faire. Et il dit, il se met en prière pour que le Seigneur confie à quelqu'un. Je pense que les catholiques réaliseront qu'il nous fait comprendre finalement ce que signifie le ministère pétrinien. Ce n'est pas attaché à une personne physique comme cela simplement, c'est tout un ensemble. Je le comprends, je comprends que les gens soient déroutés, mais qu'ils puissent finalement réussir à comprendre que le ministère pétrinien, c'est une autorité. Ce n'est pas simplement un pouvoir juridique. Et le pouvoir qu'il a pour l'exercer, il trouve qu'il ne peut plus l'exercer. Mais il reste, disons, cette personne qui aide à faire grandir la réalité de la vie de l'Église. Donc, en se passant et en priant pour que le Seigneur donne, nous prions pour que le Seigneur donne des ouvriers pour sa moisson. Ici, il dit qu'il va le passer à cette phase de sa mission. Cette mission est plus pétrinienne que jamais. Au micro de Radio Vatican, c'était donc Mgr Barthélemy Adoukono, secrétaire du Conseil pontifical de la culture. Une page de la vie de l'Église en Afrique dans ce programme, et cette page nous conduit au Burkina Faso, où notre correspondant local nous fait part de la nouvelle que voici. Monseigneur Pierre Clavin-Margo, le thème du message de carême que vous avez délivré cette année au Christ et Fils de l'Église au Gombo est intitulé comme suit, je cite, « Carême 2013, une grâce pour tous ». Qu'est-ce à dire ? L'Église a proclamé l'année de la foi depuis le 11 novembre 2012. Cette année de grâce s'embrasse le 24 novembre 2013 avec la célébration de la solennité du Christ roi de l'univers. Cette année, tous les enfants de tous les filles de l'Église sont invités à la vie de la foi, une vie plus intense de la foi. Et ce carême est une chance parce que, comme tout carême de l'Église, c'est un appel à la conversion. Et pour l'année de la foi, il s'agit d'emprunter le chemin de la conversion pour une nouvelle expérience de la rencontre avec Jésus-Christ. Et tous sont appelés à s'engager sur le chemin de la conversion avec ce que l'Église propose habituellement, le monde, la prière et les jeunes, les combats spirituels. Pour cette année de la foi, pour nous, le carême est une grâce pour tous, parce que tous par ce carême se renouveler et vivre purifier leur foi en Dieu. À ce propos, donc, quelles sont les actions concrètes proposées aux chrétiens pour profiter au maximum de ce message? Nous avons choisi le prochain, le faire comme chemin de la foi. Les actions qui sont proposées concrètement, la solidarité, une solidarité qui est comme une route avec le Christ, qui lui-même a été solidaire avec celui qui est un combat Passons à notre rubrique consacrée aux prises et des positions des évêques et des épiscopats à travers le monde sur les problèmes des sociétés. Au Canada, les évêques du Québec au Canada se sont rassemblés à Trois-Rivières pour leur assemblée plénière annuelle. Les travaux qui se sont ouverts alors que commençaient à Rome les assises du conclave ont été marqués par le souhait des évêques que l'Esprit-Saint sache inspirer le choix du prochain pape. Mais personne ne peut prédire ce qui va se passer, a averti Mgr Pierre-André Fournier, archevêque de Rimouski et président de la Conférence épiscopale du Québec. La 299e assemblée ordinaire de la Conférence des évêques suisses a été dominée par l'attente pour l'élection du nouveau pape et ses conséquences pour la Suisse. La conférence des évêques a tenu son assemblée ordinaire du 4 au 6 mars de cette année à Bad Schürbrunn à Heidelberg. Selon la personnalité du nouveau pape, il y aura des effets sur les catholiques en Suisse, a expliqué Walter Müller, chargé d'information de la conférence des évêques suisses lors d'une conférence de presse. Les évêques ont aussi souhaité que toutes les cloches du pays sonnent lorsque le nom du nouveau pape pontife sera connu. La révision de la loi suisse sur l'asile, qui sera soumise au peuple le 9 juin prochain, a également fait partie des thèmes abordés lors de l'assemblée de la conférence des évêques de Suisse. Sur la question, les évêques ne veulent pas prendre position dans un sens politique. Ils tiennent simplement à rappeler qu'il est essentiel de respecter la dignité et les droits fondamentaux des personnes, qu'elles soient suisses ou étrangères. En vue de la votation, ils ont mandaté la commission justice et paix pour étudier la question et présenter leur point de vue. La conférence des évêques suisses fêtera par ailleurs le 6 juin prochain son 150e anniversaire en même temps que la mission intérieure. Ce jubilé sera célébré à Eichendelln sous le thème « Nous construisons ensemble l'Église, la joie en Dieu est notre chance ». L'Europe a besoin d'une dimension sociale. Tel est le message adressé le 8 mars dernier par le Conseil des Églises d'Irlande au nom de la Conférence des Églises européennes et de la Commission des épiscopats de la Communauté européenne à la présidence irlandaise de l'Union européenne. Les églises ont réaffirmé que le progrès économique passait aussi par la lutte contre la pauvreté. La gouvernance économique européenne, souligne les évêques, doit être contrebalancée par une dimension sociale. À l'occasion de leur rencontre avec la présidence irlandaise de l'Union européenne, les instances religieuses ont interrogé la pertinence d'une discussion sur l'austérité économique qui ne tiendra pas compte des mesures de cohésion sociale. Elles ont affirmé que les efforts visant à éradiquer la pauvreté structurelle et les inégalités devaient également être pris en compte lorsqu'il s'agit de mesurer les progrès économiques. La délégation d'Église a mis en avant l'impact social de la crise économique qui ravage actuellement l'Union européenne. Elle a souligné que ses conséquences sociales étaient flagrantes dans les paroisses de toutes les églises et constituaient une préoccupation majeure au niveau local, régional et national. Vous continuez à être à l'écoute de Radio Vatican dans son programme Rendez-vous avec l'Afrique. À présent, notre magazine. Les organisations internationales au service de la coopération, du développement et de la solidarité entre les peuples. Le thème de notre magazine aujourd'hui, le cri d'alarme de la FAO en Centrafrique sur la crise alimentaire. Des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO, est préoccupée par la sécurité alimentaire en République centrafricaine à la suite de la crise politique que traverse ce pays depuis le 10 décembre dernier. Selon la représentante de la FAO en Centrafrique, Rokaya Dabafal, la sécurité alimentaire est gravement menacée. Elle s'exprime au micro de notre correspondant local. En tant que représentant donc de la FAO en République centrafricaine, nous avons tous ensemble avec vous vécu cette crise que nous avons vécue, qui est dommage pour le développement de la République centrafricaine et qui affecte nécessairement l'alimentation des populations. Aujourd'hui, je voudrais parler particulièrement de l'alimentation des populations, c'est tout simplement parce que la mission fondamentale de la FAO est de pouvoir arriver à un monde sans faim, à un monde où chacun mange à sa faim et selon ses besoins et selon ses choix. Comment cette crise, évidemment, vient freiner tout cet élan et tous ces projets de développement que nous avions donc en œuvre au niveau du terrain. Ça vient aussi freiner toute l'activité de production au niveau des zones de production de la République centrafricaine. Vaste zone de production qui pourrait nourrir une bonne partie du monde au-delà du pays. Donc, ce que je dirais tout simplement, que c'est par ce frein de la production, en cette période où certaines espèces étaient en moment de récolte, où d'autres espèces étaient en moment de semis, où d'autres espèces étaient encore au moment de développement, nous disons qu'il y aura certainement, très certainement, pour une bonne partie du pays, sinon pour le pays tout entier, ça a des conséquences alimentaires au moment donné. Parce que, tout simplement, on n'aura pas les récoltes escomptées, les prévisions escomptées du point de vue de la production agricole ne seront pas atteintes. Quand nous parlons de production agricole, voyez cela au sens le plus large du terme. Cela va certainement des céréales, des tubercules, comme le manioc, qui est un des principaux mets de ce pays, les céréales, les légumineuses, aussi tout ce qui est horticulture, mais aussi tout ce qui est élevage. Donc tout ça pour vous dire tout simplement que si tout de suite et maintenant, on ne sent pas encore ces conséquences directement du point de vue de la disponibilité de l'alimentation, cela sera senti de façon multipliée, démultipliée, quand on sera au moment de l'ensemble des récoltes. Mais je dois vous dire déjà qu'à l'heure qu'il est, la sécurité alimentaire est gravement menacée. Elle n'était pas atteinte. On était en train de travailler vers la sécurité alimentaire. Comme vous le savez, plus de 30% des populations sont en insécurité alimentaire. On était en train de travailler vers une sécurité alimentaire stable. On continuera ce travail-là. La situation était déjà assez grave. C'est pour ça que nous avons toute une batterie de projets, une stratégie qu'on a bâtie avec le gouvernement pour pouvoir aller vers la sécurisation de l'alimentation de la population centrafricaine. Mais je dis tout simplement que cette crise vient aggraver de façon importante cette insécurité qui déjà touchait une partie très importante de la population centrafricaine. Face donc à cette situation, en attendant une action commune avec les autres agents du système des Nations Unies, il y a une action court terme au niveau de la PAO pour essayer de relancer ce que la Médagia a entamé avant que la crise ne puisse un peu déclencher. Il n'y a pas d'attente en fait. Tout à l'heure vous dites en attendant une action commune dans le système avec toutes les autres agences, ça, le système des Nations Unies, nous n'attendons rien. Au contraire, nous sommes dessus. Nous sommes dessus, mais nous pensons que pour avoir de l'effet, pour avoir de l'impact, nous savons que la majeure partie, comme à l'instar de beaucoup de pays africains, la majeure partie de la population est rurale. Au niveau du milieu rural, que sévit le plus de mal du point de vue aussi bien de cette crise-là, que du point de vue de la malnutrition, que du point de vue de l'insuffisance alimentaire, que du point de vue de tout ce qui est mou envers les femmes, envers les enfants. Et nous disons qu'il faut nécessairement que nous puissions mettre ensemble, tout simplement, nous joindre ensemble pour que chacun de nous, la FAO qui s'occupe de tout ce qui est alimentation et les autres acteurs qui s'occupent des autres aspects puissent se joindre ensemble et aller de l'avant. Et ça, nous sommes en train de le faire. Les stratégies sont déjà en train d'être bâties. On a déjà fait une petite évaluation de la situation. Nous continuons dans cette lancée et il n'y a aucune attente. Parce que les populations ne peuvent pas attendre à l'heure qu'il est. C'était Rokaya Dabafa, les représentantes de la FAO en Centrafrique, au micro de notre correspondant local, Arsène Jonathan. Notre magazine est beaucoup à présent notre programme par l'actualité sociopolitique sur le continent. Le gouvernement tunisien d'Ali Larayed a obtenu la confiance des députés mercredi. Larayed et sa coalition regroupant islamistes des Naba, deux partis laïcs et des indépendants ont obtenu le soutien de 139 députés sur 217, soit 30 voix de plus que la majorité absolue nécessaire. Monsieur Larayed a assuré mardi dans son discours de politique générale qu'il comptait mettre un terme avant la fin de l'année à l'impasse politique causée par l'absence de consensus sur la future constitution qui bloque l'organisation d'élections et prive le pays d'institutions stables. La faction de la rébellion de la Séléka qui s'est emparée lundi de la ville de Bangassou dans le sud de la Centrafrique a entrepris une progression vers l'est, prenant la ville de Rafai et se dirigeant vers celle de Zemio. L'attaque de Bangassou avait fait 4 morts dans les rangs des forces armées centrafricaines. Le gouvernement de Bangui attribue ces attaques à la Séléka, mais elles auraient également pu être menées par une bande armée venue du Soudan, avec qui la frontière est poreuse, estime une source militaire. Le pouvoir égyptien a fait appel d'une décision de justice annulant l'organisation d'élections législatives prévues fin avril et au centre d'une vive controverse avec l'opposition. Le tribunal administratif avait jugé que M. Morsi ainsi que le Sénat égyptien dominé par les islamistes n'avaient pas suivi la procédure constitutionnelle prévue et avaient renvoyé le dossier de l'organisation de cette élection devant la Haute Cour constitutionnelle. Les législatives devaient commencer le 22 avril et s'étaler sur 2 mois afin de désigner une nouvelle assemblée ou chambre basse après la dissolution de la précédente en juin 2012. La principale coalition de l'opposition, le Front du Salut National, avait annoncé qu'elle allait boycotter ces législatives en raison notamment du manque de garanties pour leur régularité. Radio Vatican, rendez-vous avec l'Afrique. Merci sans frontières et s'alarme d'une hausse de violence contre les migrants clandestins au Maroc dans un rapport publié au moment où cette ONG s'apprête à quitter le Maroc après avoir jugé sa mission d'assistance médicale inadaptée à la situation sur le terrain. Merci sans frontières déplore notamment dans son rapport la violence pour la majorité des migrants subsahariens se trouvant au Maroc. Une recrudescence importante des abus a été constatée en 2012, ajoute Médecins sans frontières qui accusent les forces de sécurité marocaines et espagnoles et appellent Rabat et Madrid à prendre des mesures drastiques de façon immédiate afin de mettre un terme à la violence institutionnelle généralisée. Médecins sans frontières met aussi en avant la responsabilité de l'Union européenne en constatant que depuis 10 ans, Bruxelles a durci ses contrôles aux frontières et externalisé de plus en plus sa politique migratoire. Au Mali, de violents combats dans le massif des Ifoga, dans le nord du pays, ont fait mardi un mort du côté de l'armée tchadienne et 6 du côté des djihadistes. Ce nouveau décès porte officiellement à 30 le nombre de soldats tchadiens tués dans cette région du Mali. Monsieur Jean-Pierre Fabre et Abbas Kaboua ont été inculpés mardi dans l'affaire des incendies qui ont ravagé 2 marchés du Togo en janvier et accusés de complicité des destructions de biens publics et des groupements de malfaiteurs. L'avocat de Jean-Pierre Fabre a précisé que les 2 opposants n'avaient pas été placés sous mandat de dépôt et que leur domicile avait été perquisitionné. Une faction du mouvement du 23 mars, M23, une rébellion active dans l'est de la République démocratique du Congo et dirigée par le général Sultani Makenga, a affirmé n'avoir pas connaissance d'un projet d'accord avec Kinshasa qui pourrait déboucher sur l'intégration de ces hommes dans l'armée. Cette déclaration du mardi soir fait suite aux déclarations du porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, selon qui Kinshasa aurait reçu des offres du groupe Makenga, disant qu'ils veulent renoncer à la rébellion et intégrer l'armée gouvernementale. Depuis la signature du 24 février par 11 pays africains de l'accord cadre pour la pacification de l'Est congolais, une scission s'est produite au sein du M23 et des combats opposent depuis les 2 factions qui se partagent des zones adossées au Rwanda et à l'Ouganda. Je t'adresse ma prière, Seigneur, c'est l'heure, ô mon Dieu, pour ta grâce. En ton grand amour, réponds-moi, toi qui peux vraiment me sauver. C'est par ici que nous mettons un point final à notre édition d'aujourd'hui. Au nom de tous, Jean-Pierre Bodjoko vous remercie de votre écoute. Le rendez-vous est pris pour demain, même fréquence, même radio.